إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, on continue le cours aujourd'hui dans l'explication du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafatu Ashab al-Jahim de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et on est au cours 73 aujourd'hui, 74, pardon, au cours 74 aujourd'hui. On continue l'explication de qu'est-ce que le Sheikh ibn Taymiyyah avait expliqué par rapport aux extrémismes des chrétiens. L'extrémisme des chrétiens et des juifs, et comment les musulmans ont été interdits de les imiter dans leur extrémisme dans la religion. Et il parle justement de ça, et Cheikh Al-Fawzan il fait les commentaires là-dessus. Cheikh Al-Fawzan il fait les commentaires là-dessus. Donc il dit, donc on est arrivé à l'endroit où Cheikh Al-Fawzan disait والحاصل أننا نهينا أن نتشبه بالنصارى في رهبانيتهم وتشديدهم على أنفسهم. Donc le cheikh il dit que pour résumer, il faut savoir qu'on a été interdit de ressembler aux chrétiens dans leur monachisme, c'est-à-dire le fait qu'ils deviennent des moines, des religieuses enfermées dans des monastères et qu'ils limitent leur vie uniquement à ce qu'ils prétendent être de l'adoration, de la contemplation ou bien de la méditation, rester enfermé comme ça, puis de se couper complètement de la vie normale, de pas se marier, de pas avoir d'enfants, de pas élever une famille, de pas prendre des responsabilités. Donc ça c'est de l'extrémisme, mais ils se rendent la religion aussi même dure pour eux-mêmes, hein, et difficile pour eux-mêmes. Donc le cheikh dit فَالتَّشَبُّهُ بِهِمْ مُحَرَّمٌ فِي هَذَا الْأَمْرِ. Donc d'imiter ces gens-là et de leur ressembler dans cela, c'est quelque chose qui est haram, qui est interdit. لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى مَا شَرَعَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Parce que c'est quelque chose qui est surplus, un surplus, ou c'est quelque chose qui dépasse ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré dans la religion. والزيادة على المشروع والزيادة على المشروع محرمة وبدعة. Et d'ajouter à qu'est-ce qui est légiféré, c'est quelque chose d'interdit et quelque chose d'innové. Naam. Donc t'as pas le droit d'ajouter ou de rajouter quelque chose dans la religion. Si tu rajoutes quelque chose dans la religion ou tu fais quelque chose de trop, d'exagéré dans la religion, ça c'est interdit et c'est une innovation. الشيخ يقول ولهذا قال سبحانه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. C'est-à-dire, et le monachisme qu'ils ont innové, qu'ils ont inventé, qui ne fait pas partie de la religion, nous ne leur avions pas prescrit. On ne leur avait pas prescrit de faire cela. أي أن الله لم يشرعها لهم. Allah سبحانه وتعالى ne leur avait pas légiféré de faire cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nulle part dans la révélation des messagers et dans l'enseignement des prophètes, nulle part on peut retrouver la mention que Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné à certains hommes et à certaines femmes de ne pas se marier et de se limiter juste à faire de l'adoration et à prier et de s'exclure de tout, de la vie. Il n'y a nulle part où on trouve quelque chose de ce genre dans la révélation des messagers et dans les livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'était pas légiféré, donc c'est une innovation qu'ils ont inventée. Il dit إنما هم ابتدعوها من أجل طلب رضوان الله والنية وإن كانت صالحة فإنها لا تبرر فعل البدعة. Donc le cheikh il dit, ils l'ont uniquement innové pour essayer de rechercher l'agrément d'Allah. Mais l'intention à elle seule, même si elle est bonne, elle n'est pas suffisante pour justifier le fait de faire des innovations. Même si tu fais une bonne action, c'est-à-dire tu fais quelque chose, tu penses que c'est bon, tu as une bonne intention pour le faire, hein, ça, et tu as une intention qui est bonne dans cette action-là, mais ça ne justifie pas que qu'est-ce que tu fais est bon, tant que la chose que tu fais n'est pas légiférée. Donc il faut pas que tu fasses des innovations, des bid'ah dans la religion, puis après tu dis « j'ai une bonne intention hein ». C'est pas suffisant juste l'intention. Il faut que l'action soit en accord avec la révélation. Il dit ensuite: فَلَا بُدَّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَلْتَزِمَ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Donc il faut absolument, donc c'est pas juste l'intention qui compte, il faut absolument que le musulman respecte ce qui a été légiféré par Allah et par son messager. فَفِي ذَلِكَ الْخَيْرُ وَالِاعْتِدَالُ وَالْوُصُولُ ففي ذلك الخير والاعتدال والوصول إلى الهدف المقصود ثم إن الرهبانية والتشدد يفضي بصاحبه إلى الانقطاع وترك العمل لأنه بشر لا يطيق الاستمرار ولهذا قال سبحانه فما رعوها حق رعايتها. وفي الحديث إن المنبت يعني الذي يكثر في السير ويسرع فيه ولا يستريح أثناء السفر لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. Donc le cheikh il dit que il faut donc le musulman respecte ce qui a été légiféré dans la religion et dans le fait de rester dans les limites de ce qu'Allah a légiféré, il y a un bien, il y a une modération. Et c'est ce qui fait que par la suite tu arrives à ton objectif et à ton but. Hein? Des fois les gens ils vont dire, ah oh, mais lui il fait pas beaucoup d'adoration, il fait pas beaucoup. Hein? Il prie pas la nuit, il fait pas plein de nawafil. Mais il fait qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est légiféré. Il dépasse pas la limite d'Allah, il fait pas des bid'ah. Donc c'est mieux qu'il fasse peu, mais au moins il ne fait pas de bid'a, que de faire beaucoup de bid'a, hein, puis à la fin il a rien, il n'a aucune récompense, parce que qu'est-ce qu'il fait, ce n'est pas légiféré par Allah. D'accord. Et le cheikh il dit, donc c'est mieux de respecter les limites d'Allah dans l'adoration, de ne pas faire d'innovation, de rester sur le droit chemin, ça c'est le bien, c'est la modération, et c'est ce qui fait que tu vas arriver à ton objectif. Parce que le monachisme, hein, le fait de se limiter uniquement à l'adoration, puis d'exagérer dans la religion, ça fait en sorte que la personne, par la suite, elle va complètement délaisser l'adoration, elle va complètement laisser la religion, elle va se couper complètement de la pratique. Pourquoi ? Parce qu'elle ne peut plus le supporter. Quand tu deviens extrémiste dans la religion, après, tu n'es plus capable de continuer. Parce que c'est trop lourd, c'est trop dur. Alors souvent quand tu vois des jeunes qui rentrent dans la religion ou des gens qui sont nouveaux dans la religion et ils commencent à pratiquer la religion avec ignorance et avec extrémisme, dans peu de temps ils s'épuisent, ils se fatiguent, ils n'en peuvent plus, ils ne sont plus capables et ils tombent dans les déviations par la suite. Ils tombent dans les déviations ou bien ils commencent à... arrêter complètement la religion et ils tombent dans le péché, dans l'égarement, comme ils étaient auparavant. Parce que tu ne peux plus continuer de cette manière-là, ce n'est pas quelque chose qui est normal. Et le cheikh, il dit, parce que l'homme, il ne peut pas supporter quelque chose qui est extrême trop longtemps, et de façon perpétuelle. Il ne peut pas continuer comme ça. Et Allah, c'est justement, c'est ça ce qu'il dit, quand il dit dans le verset juste après, فما رعوها حق رعايتها dans sourate al-Hadid, hein. C'est-à-dire ils ne l'ont pas gardé, ils ne l'ont pas mis en application et pratiqué et gardé de la manière que ça mérite, hein, de la manière qu'ils devaient le faire, c'est-à-dire l'adoration d'Allah. Et c'est comme dans le hadith, le cheikh il mentionne de la personne qui est al-Mumbat. Qu'est-ce que ça veut dire al-Mumbat? C'est-à-dire la personne qui part en voyage avec son cheval ou avec sa monture et elle part au galop pendant jour et nuit sans jamais s'arrêter pour se reposer ou pour manger. Ok? Puis elle va comme ça pendant deux jours, trois jours. Qu'est-ce qui arrive avec sa monture? Même s'il est parti, il est allé très très rapidement au galop, hein, à toute vitesse. Donc il fait une longue distance très rapidement, mais après qu'est-ce qui arrive? La bête, elle est complètement épuisée. Complètement épuisée. Ça veut dire qu'elle ne peut plus continuer. Et donc, le hadith dit, Al-Mumbat, c'est celui qui part très rapidement, mais il ne se repose pas pendant le voyage. Donc il n'arrive pas à destination, et sa monture, elle ne peut pas continuer. Soit elle meurt, ou bien elle est complètement écrasée. Donc elle ne peut plus, hein, avancer. Donc c'est ça l'exemple de la personne qui est extrémiste dans la religion. Elle veut aller vite, elle veut faire beaucoup d'un seul coup, elle se fatigue, elle s'épuise et puis après elle s'écrase, hein, elle ne peut plus. Et le cheikh il dit wa kam ra'ayna min al-mutashaddidin alladhina balaghu fi at-tashaddud كيف انتهى بهم الامر اما الى الفطور وترك العمل واما الى الانحراف عن الدين فلو انهم اقلوا العمل واداموه لكان خيرا لهم ولذلك قال عليه الصلاه والسلام احب العمل الى الله ادومه وان قل فالاقلال من العمل مع اتقانه مدعاه الى الاستمرار عليه والاكثار منه والتشدد مظنة الانقطاع والترك. Donc le cheikh il dit, on a vu, il dit combien de gens on a vu parmi des gens justement qui sont extrémistes, qui exagèrent dans la religion, hein? Des gens qui exagèrent dans l'extrémisme, dans la façon de pratiquer l'islam. Et comment ils ont terminé? C'était quoi à la fin leur, comment ils sont arrivés, comment ils sont devenus? Il dit soit qu'ils ont complètement arrêté l'adoration au complet et la religion, ils ne pratiquent plus, hein, sont complètement finis, hein, ils ont arrêté de pratiquer, ou bien ils ont dévié complètement dans la religion, ils sont devenus des hérétiques ou des gens complètement déviés, des gens qui disent n'importe quoi, qui font n'importe quoi. Donc il dit s'ils avaient fait peu d'actions, mais ils l'avaient fait de manière constante, ça aurait été mieux que de faire une grosse, hein, beaucoup d'actes et de faire beaucoup de choses, puis par la suite, hein, ils tombent. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Aisha radiallahu anha, أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. La meilleure action, c'est celle que tu fais de manière constante, même si c'est peu. La meilleure action pour Allah, c'est l'action que tu fais de manière constante et perpétuelle, tu la fais tout le temps, mais même si c'est juste un petit peu, c'est pas grave. Tu vas prendre le Coran, hein, tu récites 10 versets par jour, tu dis moi je peux juste réciter 10 versets par jour, hein. C'est mieux que quelqu'un, il prend le Coran, il dit ah, je vais lire le moitié du Coran pendant toute la nuit, je vais lire le Coran toute la nuit seulement. Il fait beaucoup, mais après il ne le touche pas pendant un an. L'autre, il lit 10 versets par jour. C'est pas beaucoup. Il prend peut-être même 5 minutes pour lire chaque jour 10 versets, mais il n'arrête jamais. Ça, c'est mieux. Mais faire une grosse action d'un seul coup, après tu ne fais plus, ça ne va pas avoir la même valeur. Hein? Donc le cheikh, il dit, tu fais un peu d'action, mais tu le fais avec perfection et avec maîtrise, c'est mieux pour le faire continuellement, de le faire de façon persistante. C'est mieux que de faire beaucoup et avec extrémisme, avec exagération, puis après tu coupes complètement, tu arrêtes, tu fais plus rien. Et Allah musta'an. Donc des gens comme ça, on en a vu, soit parmi les convertis, les nouveaux convertis à l'islam, Allah musta'an, deviennent musulmans, commencent à pratiquer l'islam, et là, avec l'ignorance aussi, parce que quand tu es nouveau dans l'islam, tu as beaucoup d'ignorance. Donc toi, tout ce que tu apprends, tu veux le mettre en application ou tu veux l'imposer aux autres. Et tu veux que tout le monde aille à ton rythme et à ta compréhension. Et tu veux, t'es dur comme ça avec les gens. Subhanallah. Donc il y a des gens de cette manière, ils sont nouveaux, ils ne comprennent même pas les règles et les principes de l'islam. Et puis, ils pensent qu'ils ont mieux compris que même parfois des ulama de l'islam. Et ils sont durs comme ça. Et il y en a d'autres, c'est des gens qui sont nés dans l'islam, dans des familles musulmanes, mais ils ne pratiquaient pas l'islam. Puis ils ont commencé à connaître la religion, à pratiquer la religion. Puis ils ont réalisé qu'avant, ils étaient dans le péché ou ils faisaient des choses pas correctes. Là, ils reviennent à l'islam, mais avec le manque de connaissances, le manque de sagesse, le manque de compréhension. Puis là, ils deviennent durs avec les gens. Et puis, ils tombent dans l'exagération et l'extrémisme. Beaucoup d'entre eux, par la suite, soit ils abandonnent complètement la pratique religieuse par la suite, ils retournent dans le péché qu'ils faisaient auparavant, ou bien ils deviennent des khawarij, des takfirin, ils tombent dans les idées des groupes comme Al-Qaïda ou Daesh, et des gens comme ça. Donc c'est ça le résultat de ces gens-là. Parce qu'ils pensent que la religion, le vrai islam pour eux, ils pensent que c'est l'extrémisme. Ils ne réalisent pas que l'extrémisme c'est une déviation, c'est une déformation du vrai islam, c'est pas l'islam. Donc le cheikh il dit ensuite وقوله وعلل ذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم من النصارى شدد الله عليهم عقوبة لهم فالنصارى بسبب تشديدهم على أنفسهم آل الأمر بهم إلى الانقطاع وترك العمل وإلى مفاسد عظيمة وقع فيها الرهبان. Donc le cheikh il dit, il a donné l'exemple de ça. Cheikh l'Islam il dit, ils ont donné la raison de ça, pourquoi c'est interdit de les imiter dans leur monachisme. C'est parce que les chrétiens, lorsqu'ils sont devenus trop durs contre eux-mêmes, par rapport à eux-mêmes, trop durs par rapport à leur propre personne dans la religion, eh bien Allah a rendu la religion et a été dur avec eux. Il a rendu leur religion plus difficile et il les a punis en étant dur avec eux. Et le cheikh il dit que donc les chrétiens ils se sont rendus la religion difficile pour eux-mêmes, ils sont devenus extrémistes dans la religion et ça s'est retourné contre eux. Et après qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont complètement abandonné l'adoration. Vous voyez par exemple chez les prêtres, chez les moines, à chaque fois ils parlent de ça même au Vatican, puis dans l'église, des prêtres qui ont violé des petits-enfants, qui ont fait des agressions sexuelles contre des enfants, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se marier. Parce que l'église les a interdits de se marier. Et ils sont devenus des gens qui ont par la suite des perversités. Ils sont devenus des pervers. Parce qu'ils ont contredit leur nature. Et ils ont interdit pour eux-mêmes ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait permis. Et qu'est-ce qui était halal? Ils ont voulu le rendre haram pour eux-mêmes. Et c'est ça le résultat. Donc le cheikh il dit, فَالنَّصَارَ donc, il dit, إِلَى تَرْكِ الْعَمَلِ إِلَى تَرْكِ الْعَمَلِ وَإِلَى مَفَاسِدَ عَظِيمَةً وَقَعَ فِيهَا الرُّهْبَانِ. Et aussi d'autres méfaits très graves dans lesquels les moines et les religieuses sont tombés. Je ne sais pas c'est qui me racontait l'autre jour, je pense que j'en ai déjà parlé même dans les coups précédents, qu'il y a une île qui s'appelait l'île des Sœurs, il y avait des couvents. Ici au Québec, il y avait beaucoup de couvents et des endroits comme ça où les femmes religieuses habitaient, des congrégations. Et puis, ils ont mentionné comment ils ont maltraité beaucoup d'enfants et comment ils les ont agressés, harcelés. Maintenant, il y a des générations entières de jeunes qui ont grandi maintenant, qui ont été traumatisés par ça. Et ils ont fait des recours contre ces congrégations-là. Ils ont été dédommagés maintenant. Et l'Église doit leur payer maintenant des millions de dollars en dédommagement. Il y a aussi des cas où ils ont trouvé des fosses ou bien des endroits où des fœtus ont été retrouvés dans la terre. Plein de cadavres, d'enfants, de bébés nés, des bébés morts, près des monastères où les religieuses habitaient, des choses comme ça. Ouais, probablement, parce que, étant donné qu'elles n'avaient pas le droit de se marier, peut-être qu'elles avaient elles se faisaient avorter ou bien des choses comme ça, puis quand le bébé naissait, ils le tuaient. Ils le jetaient dans une fosse ou dans un trou, ou je ne sais pas quoi. Donc, tout ça pour dire que c'est des gens, il y en a qui contredisent leur nature. Et c'est que le résultat de ça, c'est qu'est-ce qu'on a vu comme perversité. Ils prétendent à la pureté, à la piété, à la religion. Mais à cause de leur extrémisme, ils deviennent des gens qui font des atrocités comme ça, Allah musta'an. Il dit « وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَا يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فهذا سبب أنهم عملوا عملا لم يؤمروا به ولم يشرع لهم فأفضى بهم إلى الخروج عن جادة الصواب فلا تجد عندهم اعتدال واستقامة وإنما غلو وتطرف أو تساهل وتضييع. Donc le cheikh il dit que regardez, il dit c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet: ô vous qui avez cru, plusieurs d'entre les rabbins et les moines mangent illicitement l'argent des gens. Ils mangent illicitement l'argent des gens et ils obstruent le sentier d'Allah. Et ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et qui ne la dépensent pas dans le sentier d'Allah. C'est le verset 34 dans la sourate At-Tawba. Et ça, c'est à cause du fait qu'ils ont fait des actes et des œuvres qui ne leur avaient pas été ordonnés de faire, ni légiférés. Et donc, ça les a amenés à sortir du droit chemin. Et donc, tu trouves pas chez eux de modération et de droiture, mais seulement de l'extrémisme et de l'exagération. Ou bien du laxisme et de la perversité, de laisser aller complètement. Et c'est ça que tu as trouvé, qu'on a trouvé dans les sociétés judéo-chrétiennes, comme ils les appellent. Ils sont tombés, soit ils sont devenus extrêmes dans la religion, puis dans la perversité. Dans l'autre extrême, c'est la perversité. Tu as eu une partie de la société qui est coupée complètement de la vie, qui pense qu'il fait juste de l'adoration, qui pense qu'il fait juste de la prière, qui reste juste dans la religion. Puis l'autre partie de la société, il y en a un extrême dans le haram et dans le shahwat et dans les tentations et les péchés. Dans la même société, tu trouves ces deux extrêmes-là. Pourquoi? Parce que les gens ont dévié du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le chemin de la modération, du juste milieu. Donc les religieux ne doivent pas être trop extrêmes, et les gens qui n'ont pas la force ou qui ne sont pas des grands adorateurs, mais ils ne vont pas tomber dans l'exagération pour tomber dans le laxisme et de se laisser aller complètement à leur passion et à leur désir. Il y a un juste milieu entre les deux. Et Et donc c'est ça. Tu as trouvé dans le christianisme aussi, c'est ça que les prêtres et les moines et les évêques et les hein, et même chez les juifs, les rabbins, ils volent l'argent de leurs fidèles. Ils volent l'argent des gens qui les suivent. Il y a une époque où l'Église, il demandait à des catholiques, comme des gens qui étaient catholiques, de leur donner de l'argent pour leur écrire un papier qui disait qu'ils n'allaient pas aller en enfer, ou bien pour leurs proches, qu'ils n'allaient pas aller en enfer. Tu vois, s'ils avaient ce papier-là, écrit par quelqu'un de l'Église ou le pape, quelque chose comme ça, eh bien, il allait écrire que ça y est, il va être au paradis. Puis, s'ils étaient fâchés contre quelqu'un, ils avaient un problème avec quelqu'un, ils pouvaient les excommunier, puis ça veut dire automatiquement ils sont garantis à l'enfer. Tu vois? Comme si c'était eux qui décidaient qui allait être sauvé, qui allait en enfer, puis tout ça c'était basé sur de l'argent. Si tu voulais une faveur de l'Église, tu donnais de l'argent, et là ils allaient t'élever en rang dans la société. Ah oui, vous êtes une bonne famille, pieuse et tout. Même si c'est des gens qui vivaient dans l'égarement. Et ça, c'est des choses que comme si quelqu'un qui est chrétien ou catholique, s'il réfléchit à ça, dans l'histoire, il ne va pas pouvoir continuer à pratiquer cette religion-là avec conviction, avec sincérité, parce que même les gens qui sont à la tête de cette religion-là sont déjà pervers et corrompus. C'est-à-dire que ils prétendent même que l'Église, elle est infaillible, hein, protégée par Dieu, qu'elle ne peut pas faire d'erreur. Alors comment ça se fait si elle est infaillible et qu'elle est protégée de l'erreur? Comment elle a pu prendre des décisions pareilles et accepter des choses pareilles? Tu vois qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils reprochent à l'islam, les choses qu'ils reprochent, qu'ils accusent les musulmans d'être ou de faire, c'est des choses que c'est eux qui les ont fait. Et les musulmans n'ont jamais été là, dans ces extrêmes-là. Mais parce qu'eux, ils ont des problèmes avec leur religion, ils font des projections sur notre religion pour essayer de faire croire aux gens que c'est nous les extrémistes. Mais pourtant, c'est eux dans leur histoire qui ont fait toutes ces choses-là. Hein? Si tu regardes quand ils parlent toujours de la guerre sainte, ils disent l'islam, dans l'islam, le djihad, c'est la guerre sainte. C'est eux qui l'ont appelé comme ça. On dit pas nous guerre sainte dans l'islam, hein? On dit djihad, hein? Et puis il y a des règles à respecter, à suivre. Mais pour eux, dans leurs livres, c'était interdit ils considèrent que c'est interdit de se battre, de combattre. Alors qu'à l'origine, dans leurs livres, il y a des exemples de djihad aussi. Mais c'est pas ça là, le problème, c'est qu'ils disent toujours, sont toujours en train de prêcher la paix. Hein? Et l'amour, il faut aimer son prochain. Si quelqu'un te frappe la joue gauche ou la joue droite, présente la joue gauche. Aime ton prochain, aime tes ennemis. Et c'est ça ce qu'il prêche à tout le monde. Hein? La paix, l'amour, et même le pape. Chaque fois qu'il y a des attentats, il en profite pour essayer de faire son hypocrite, comme l'Église l'a toujours fait, de dire, oh mais il faut s'aimer. Il ne faut pas faire la guerre, il faut faire la paix. Nous, les chrétiens, on est paix, on est amour. Alors que dans leur histoire, c'est rempli de sang et d'injustice et de violation de tout ce qui est bien. Là, ils essaient de jouer le rôle de celui qui est bon, puis que l'islam et les musulmans, c'est eux les mauvais. Hein. Ils ont renversé l'histoire à l'envers. Ils ont fait paraître les musulmans comme si c'est eux les extrêmes, c'est eux les mauvais, alors que à la base, c'est eux. Et tout ce qui se passe dans le monde comme corruption et désordre, c'est à cause des extrémistes qu'ils ont, dans lesquels ils étaient, qui ont fait que les gens ont eu la réaction de devenir comme ils sont aujourd'hui. Hein? Et ils sont en train de mélanger les gens et d'accuser les musulmans et l'islam aujourd'hui. Donc, hein, il faut remettre les pendules à l'heure. Le cheikh il dit, وقوله وفي هذا تنبيه على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما عليهم النصارى وما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم وقع لبعض هذه الأمة من العباد والمتصوفة الذين شددوا على أنفسهم فآل بهم الأمر إلى الوقوع في الضلال لأنهم خرجوا عن الحق فوقعوا في الباطل. والله جل وعلا يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال فالذي يحيد عن الحق يقع في الضلال والحق هو الاعتدال والاستقامة وهو الصراط المستقيم أمرنا الله بسلوكه قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وهذا الصراط الذي نسأل الله أن يهدينا إياه في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم يعني المعتدل والاعتدال مطلوب في جميع الأمور ولا سيما العبادات donc le cheikh il dit ça c'est des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détesté telles que les chrétiens hein, qu'est-ce qu'ils font dans leur exagération et leur extrémisme est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détesté certains des musulmans dans cette umma sont tombés dedans malheureusement et il donne l'exemple des adorateurs et des soufis qui se sont rendus la religion trop dure pour eux-mêmes hein, et qui les a amenés à tomber dans l'égarement et dans la perversité parce qu'ils sont sortis de la vérité et ils sont tombés dans le faux à cause de ça. Aujourd'hui, yarhamukallah, aujourd'hui c'est qui les... peut-être vous avez entendu parler des soufis, hein, soufistes. Hein, c'est des gens qui hein, prétendent qu'ils font juste le zikr. Hein, ils font plein de bid'ah. Mais ils prétendent, nous on fait le zikr, on aime Allah. Ils parlent toujours comme les chrétiens. La paix, l'amour, hein, le zikr et des choses comme ça. Mais c'est des gens... Hein, ils sont corrompus jusqu'à l'os et ils sont dans la perversité et l'amour de la dunya jusqu'à l'os mais à l'apparence extérieure ils essaient de faire croire aux gens non, nous on n'aime pas la dunya on n'aime pas l'argent on est loin des plaisirs on est loin de ci et de ça mais ils sont dans les exemples de perversité les plus graves que personne ne peut imaginer donc ils ont une ressemblance avec les chrétiens puisque tu les vois parler d'aimer tout le monde, d'aimer tout, d'aimer ça. Ils font pas de distinction entre le shirk et le tawhid, entre l'iman ou le kufr. Tu les vois, ils disent non, nous, hein, on fait pas de différence entre les musulmans, les hindous, les bouddhistes, les chrétiens, les juifs, tout c'est la même chose, tout est pareil. Toutes les religions sont bonnes parce que c'est des chemins différents pour arriver à Dieu, mais à la fin, c'est, peu importe le chemin que tu prends, c'est bon quand même. Même Ibn Arabi, un des hérétiques parmi les soufis, c'est ce qu'il enseignait. Il enseignait que toutes les religions sont correctes, sont bonnes. Et pour les chrétiens, c'est ça la modération. C'est eux les musulmans modérés. C'est eux les musulmans que hein, tout le monde devrait suivre leur exemple. Alors que c'est eux les plus extrêmes. Et la plupart des groupes extrémistes qui existent aujourd'hui dans la Ummah découlent de ces gens-là. De ces soufis là, subhanallah, des gens comme les fondateurs des groupes comme les frères musulmans aujourd'hui, Hassan al-Banna et Sayyid Qutb, c'est des gens, ils ont été éduqués dans le soufisme, ils ont grandi dans le soufisme, puis à la fin ils sont sortis avec des mouvements et des organisations et des groupes qui sont parmi les plus extrémistes au monde et c'est de ces groupes là que découlent les groupes comme Al-Qaïda et Daesh et des groupes comme ça. Donc pour montrer qu'en réalité, ceux qui se montrent comme étant les gens de la douceur, de la paix, de l'adoration, hein, de la piété, c'est une fausse image. C'est juste une apparence. La réalité en arrière, c'est la corruption, l'égarement et la perversité. Et si vous voyez qu'est-ce qui est mentionné dans les livres des soufis, et dans qu'est-ce qu'ils font entre eux, hein, eux, ils font pas de différence. La mixité entre les hommes et les femmes, pour la plupart des soufis, elles ne font pas de grandes histoires avec ça. Hein? Nous, ce n'est pas grave, les hommes et les femmes. Le hijab, hein, ce n'est pas grave. Pas besoin que la femme se voile. Hein? Ce n'est pas grave. Vous voyez, par exemple, Tariq Ramadan, se mélange avec les femmes, s'assoit avec les femmes. Aucun problème. C'est le petit-fils de Hassan al-Banna. Et en même temps, il descend de cette même lignée d'éducation soufie, la même chose. Et il défend des idées extrémistes et les idéologies des Khawarij, il les supporte, hein, et il les défend. Et en même temps, il défend les idéologies des Kuffar, il mélange tout. Et puis, tu trouves des gens comme ça. sont très laxistes dans les questions qui ont rapport avec l'abima, avec le hijab, avec les règles de séparation entre les hommes et les femmes et tout. Ils ne font pas d'histoire avec ça. Hein? Mais tu les vois en même temps, qu'est-ce qui est caché en arrière? Qu'est-ce que des soufis font comme perversité, comme péché en arrière? C'est catastrophe. Mais eux, ils se permettent de faire ça. Ils disent, c'est pas grave. Hein, parce que c'est l'amour qui compte. Hein? Donc le cheikh, il dit, ces soufis sont tombés dans l'exagération et l'extrémisme. Tu les vois, c'est au début, c'est ce qu'ils prêchent. S'abstenir de la dunya, s'écarter des plaisirs, de ne pas se marier, de ne pas manger les bonnes choses de la dunya, de porter des vieux vêtements, de rester loin. Même certains parmi les soufis, ils ont été jusqu'à dire il faut même aller dans les dépotoirs, les endroits où il y a les déchets, les saletés, les impuretés, les chiens, ils vivent là-dedans. Ils ne se lavent pas, ils restent sales, ils vivent dans les saletés. Puis ça pour eux c'est un signe que tu deviens un wali, un saint, un rapproché de Dieu. Ils ont renversé la religion à l'envers, tu vois. Donc après ça, tu as atteint un niveau qui s'appelle al-yaqin. Tu atteins le niveau de la certitude. Donc tu n'as plus besoin de prier, tu n'as plus besoin de jeûner, tu n'as plus besoin de t'abstenir de ce qui est haram, tu n'as plus besoin de faire ce qui est obligatoire parce que tu as connu Dieu, tu as vu Dieu. Donc tu es libéré de l'obligation et tu es libéré des interdictions. Tu peux faire ce que tu veux maintenant. Il n'y a plus rien qui peut, soi-disant, t'atteindre. Et c'est pour ça que le début, il montre la piété, puis après, il montre la liberté totale de faire ce que tu veux et que ce n'est pas grave. Donc ça mène à la perversité à la fin. Et ça, c'est comme ça que les shaitans détournent les gens du droit chemin. Et donc, ils sont tombés dans l'égarement par la suite, à force d'être extrêmes envers eux-mêmes. Et ils sont sortis de la vérité, sont tombés dans le faux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, surat Yunus, le verset 32, « فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ » Après la vérité, qu'est-ce qui a accepté l'égarement? Donc il n'y a personne qui va se détourner de la vérité, excepté qu'il va tomber dans le faux. Et la vérité, c'est d'être sur la modération et sur le droit chemin, la droiture. Et c'est ça le droit chemin que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre. Je me rappelle une fois, il y a un kafir qui mentionnait les exemples d'extrémisme. Il dit, regardez, où est-ce que la religion mène? La religion amène à faire à être extrémiste, hein, et à faire des actes de terrorisme ou des choses comme ça. Donc il y a un gars comme ça qui faisait ce commentaire-là sur Internet. Et la réalité de ce qu'il dit, c'est que, en réalité, c'est pas la religion qui amène les gens à l'extrémisme, c'est pas la vraie religion qui amène à l'extrémisme, c'est l'ignorance de la religion qui amène à l'extrémisme. Et la plupart des gens, justement, qui sont tombés dans l'extrémisme, si tu regardes, ils ont pas de connaissance de l'islam. Ils n'ont pas étudié la religion avec les ulama de l'islam. Ils n'ont pas de fondement, de base, par lesquels ils comprennent l'islam comme il faut. C'est des gens qui ne font que suivre leurs émotions, leurs sentiments. Même s'ils ont une religiosité, c'est-à-dire ils ont une bonne... peut-être une bonne intention et ils pensent être pieux et être bons, mais en réalité leurs actions, qu'est-ce qu'ils font, c'est pas basé sur une compréhension et une connaissance profonde de l'islam basée sur la compréhension des salafs. Non, ça c'est pas vrai. Donc l'extrémisme, le résultat de l'extrémisme, c'est pas la religion, c'est l'ignorance de la religion. Et le cheikh, il dit donc le droit chemin, la modération et la droiture, c'est le droit chemin. Celui que Allah nous a ordonné de suivre lorsqu'il a dit « Voici mon droit chemin dans toute sa rectitude, alors suivez-le. » Verset 153 dans Sourate Al-An'am. « وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ » Et c'est ce même droit chemin que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, qu'on lui demande dans chaque prière, dans chaque raka'a, dans la salat. اهدنا الصراط المستقيم guide-nous sur le droit chemin, le chemin équilibré, le chemin de la droiture. C'est le chemin qui nous a été ordonné de suivre, en particulier dans les adorations. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit par la suite: وفيه أيضا تنبيه على أن التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد آخر يفعله الله إما بالشرع وإما بالقدر. فأما بالشرع فمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه في زمانه من زيادة إيجاب أو تحريم، كنحو ما خافه لما اجتمعوا لصلاة التراويح معه، ولما كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم، مثل أن نظر شيئا من الطاعات وجب عليه فعله، مثل أن من نظر شيئا من الطاعات وجب عليه فعله، وهو منهي عن نفس عقد النذر، وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب. Donc le cheikh, là on va traduire chaque paragraphe des paroles d'Ibn Taymiyyah. Il dit, il y a également une note au sujet de l'exagération et l'extrémisme. Lorsque quelqu'un fait de l'extrémisme contre lui-même, ou exagère dans la religion, donc s'il est trop dur contre sa propre personne dans la religion, eh bien ça va ramener un autre exemple de dureté. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: وفيه أيضا تنبيه على أن التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد آخر يفعله الله. Donc toi, quand quelqu'un fait un exemple d'exagération et qui est trop dur dans la religion, ça va causer que Allah subhanahu wa ta'ala va lui rendre les choses dures et va le rendre dur lui aussi encore plus pour le punir, parce qu'il s'est dévié de la bonne voie et il n'a pas voulu suivre la vérité alors qu'il connaissait le droit chemin. Il l'a rendu trop dur et Allah le punit en le rendant comme ça. Et le cheikh il dit, cette dureté qui va tomber sur lui, soit que ça va être par la législation, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala va légiférer des choses plus dures pour lui, ou bien par la prédestination, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala va faire arriver des choses qui vont être dures pour lui dans sa religion. Il donne l'exemple des deux cas. Il dit, en ce qui concerne la législation, c'est comme l'exemple de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a craint à son époque, que les gens, que des choses qui n'étaient pas interdites, deviennent interdites, ou que des choses qui n'étaient pas obligatoires, les gens les rendent obligatoires. L'exemple que, par exemple, la prière de Tarawih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la prière la nuit avec les sahaba pendant le ramadan, pendant 3 nuits. Puis après, il a arrêté de le faire. Et pourquoi il a arrêté de le faire? C'est parce que il avait peur que ça devienne obligatoire. D'accord? Donc, par crainte que ça devienne obligatoire, il a cessé de le faire. Et l'exemple aussi des gens qui demandaient à propos de choses qui n'avaient pas été interdites dans l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il leur a interdit de demander à propos de ces choses-là, justement pour ne pas qu'elles deviennent haram. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuha alladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Quran tubda lakum afa Allahu anha. Ça veut dire que demandez pas à propos des choses, لا تسألوا عن أشياء قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء c'est ça. Ne demandez pas à propos des choses que si elles vous ont divulguées, elles seront mauvaises pour vous. Et si vous demandez à leur sujet lorsque le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Et Allah vous avait épargné de ces choses-là. Donc, et après il dit قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ فَأَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ. Déjà avant vous avaient demandé au sujet de ces choses-là et ils sont devenus mécréants à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé trop des questions sur la religion jusqu'à ce que les choses deviennent trop difficiles pour eux, puis après ils sont devenus kuffar. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith oui, غير نسيان, il a dit, mais le hadith il dit كثرة مسائلهم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Qu'est-ce qui a égaré les peuples avant vous? C'est leurs trop nombreuses questions et les divergences qu'ils avaient avec leurs prophètes. Et la portion justement du hadith que tu disais, que Allah subhanahu wa ta'ala il s'est tué à propos de certaines choses par miséricorde pour vous, non par oubli. Alors ne posez pas des questions à ce sujet-là. Donc ça c'est un exemple. Et aussi le fait de faire des vœux pieux, des choses qui n'ont pas été obligatoires. Toi tu fais un vœu et tu dis, oh Allah, si tu me donnes telle chose, je vais jeûner pendant 2 mois consécutifs sans arrêt. Après, la chose est exaucée, Allah te donne ton vœu, et là maintenant tu dis, ah, je dois jeûner 2 mois consécutifs, c'est lourd pour toi. Alors qu'au début, tu n'avais même pas ça à faire, c'était même pas obligé pour toi. Pourquoi tu prends des vœux comme ça pour te rendre la religion difficile? Déjà à la base, c'était pas permis de faire ce vœu-là. Hein, c'est quelque chose qui est détestable. Mais une fois que tu l'as fait, c'est obligatoire de le respecter. Aussi des expiations obligatoires qui sont le résultat de certaines actions. Hein, comme par exemple, al-li'an. Hein, al-li'an. Non, c'est pas al-li'an. C'est lorsque quelqu'un al-zihar. Zihar, hein? Il dit à sa femme, tu es comme le dos de ma mère, ou quelque chose comme ça. Après, il doit faire des expiations pour expier ça, c'est trop lourd, il ne peut pas respecter. Hein? Ou bien, il dit, وَأَمَّا الْقَدَرْ فَكَثِيرًا مَا قَدْ رَأَيْنَا وَسَمِعْنَا مَنْ كَانَ يَتَنَطَّعُ فِي أَشْيَاءَ فَيُبْتَلَى أَيْضًا بِأَسْبَابِ تَشَدُّدِ الْأُمُورِ عَلَيْهِ في الإيجاب والتحريم مثل كثير من الموسوسين في الطهارة إذا زادوا على المشروع ابتلوا بأسباب توجب حقيقة عليهم أشياء فيها عظيم مشقة ومضرة. Donc il dit dans le Qadar aussi, donc qu'est-ce que Allah a prédestiné? Il y a des gens, on a vu et on a entendu, à cause de leur exagération dans beaucoup de choses dans la religion, ils sont éprouvés par la suite par des choses qui deviennent de plus en plus difficiles. Soit ils se rendent des choses obligatoires ou ils s'interdisent des choses, hein, et ça les fait tomber dans l'extrémisme. L'exemple de gens qui tombent dans le wiswas à propos de la purification. Des exemples là-dessus, on pourrait en donner plein. Des gens qui restent des heures dans les toilettes pour être certain qu'il n'y a pas d'impureté sur leurs vêtements, alors que dans la sunna, tu fais tes besoins, tu te nettoies, tu t'essuies, puis c'est fini, tu sors. Mais eux, ils restent, et alors tu les vois, ils vont commencer à tousser, sauter sur place, commencer à faire toutes sortes de trucs pour être sûr qu'il ne reste pas une goutte d'urine. Ou bien des trucs comme ça, ah, peut-être qu'il y a une éclaboussure sur mon vêtement, il va laver tout son vêtement juste parce qu'il pense qu'il y a une petite goutte qui aurait pu toucher à son vêtement. Des exemples d'extrémisme comme ça, hein, des choses, il ne sait pas d'où, il voit une goutte d'eau qui tombe sur lui, il ne sait pas d'où ça sort. Est-ce que c'est de l'impureté ou de la pureté? À cause de ça, il dit, faut que je retourne chez moi aller me laver mes vêtements parce que je ne sais pas si je suis pur pour faire la prière. Tout ça, c'est des exemples d'extrémisme de wiswas. Déjà, ils font le wudu, ils recommencent le même, le bras, ils recommencent 10 fois. Je ne sais pas si j'ai manqué un bout, un morceau de peau ou non. Ou bien le pied, ah, je ne sais pas si j'ai oublié un petit espace. Il se lave son pied 10 fois, 15 fois. Il finit son wudu, il s'en va pour rejoindre le rang. Il arrive pour faire la... Déjà, il a manqué, première rak'at, deuxième rak'at. Là, il commence pour faire takbir. Il rentre dans la prière. Ah, je pense que j'ai oublié de faire mon pied gauche. Il retourne aller faire son wudu encore. Finalement, il manque la salat. Vous riez de ça, mais moi j'ai vu des gens comme ça, vraiment. Malades, c'est une maladie ça, l'ouïsouas. C'est très grave. Donc, à cause de ça, la religion devient très très dure pour eux. Et puis, par la suite, tu les vois, ils deviennent fous. Des gens comme ça, subhanallah. Hein? Ils sont très méticuleux pour des petits détails. Puis pourtant, d'autres choses qui sont claires dans la religion, ils les font sans problème. Un homme comme ça que je voyais souvent à la mosquée, il avait ce problème-là. Et pourtant, il n'avait pas de problème de raser sa barbe, de fumer la cigarette, hein, de courir dans la pluie sans vêtements. Adib, il faisait des choses vraiment bizarres. Mais pourtant, quand c'était les questions de wudu, c'était il y en a des choses extrémistes. Donc c'est l'ouïsouas. Les gens comme ça, ils deviennent fous. À la fin, ils deviennent malades. Hein? Et puis après, ils se demandent, mais comment ça, ils ne peuvent pas se marier? Parce qu'ils ont des tocs comme ça. Ils ont des problèmes. Et s'ils se marient, comment ils vont pouvoir continuer à vivre avec une femme s'ils sont comme ça? C'est difficile. Hein? Donc ils disent, ils préfèrent rester comme ça, tout seul, célibataire. Ils deviennent encore plus fous. Encore plus malade. Allah al-Musta'an. Et Ibn al-Qayyim al-Jawziya, il a parlé de ça dans Irasatul Lahfan, min wasayat al-Shaytan. Il a un chapitre là-dessus. Il montre les remèdes à ce genre de wiswas, et les exemples de wiswas et les remèdes de ces wiswas. C'est très très bénéfique. Le Cheikh, il dit Wahad al-Ma'na. Alors après, il dit oui, c'est ça. بأسباب تجب okay. وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث موافق لما قدمناه في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم من أن ذلك يقتضي كراهة موافقتهم في الأصار والأغلال والأصار ترجع إلى الإجابات الشديدة والأغلال هي التحريمات الشديدة فإن الإصر هو الثقل والشدة وهذا شأن ما وجبه والغل يمنع المغلول من الانطلاق وهذا في شأن هذا شأن المحذور. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit, et ça donne le sens de ce qui est indiqué dans le hadith, et c'est en accord avec ce qu'on avait mentionné à leur sujet. À propos de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 157 dans surat Al-A'raf. Le verset 157 dans surat Al-A'raf. Et c'est à propos de justement Isa ibn Maryam qu'il venait pour enlever le fardeau et le joug qui étaient sur eux, sur les juifs, dans leur religion. Et le cheikh, il explique que le fardeau, c'est par rapport aux obligations extrémistes et dures qu'ils se sont imposées à eux-mêmes. Des choses qui ne sont pas obligatoires, ils les rendent obligatoires dans la religion. Et l'arlal, c'est des choses qui ne sont pas interdites, mais eux, ils les rendent interdites dans la religion pour eux-mêmes. Ça rend la religion très très difficile. Et ça, il y a chez les juifs, chez les chrétiens, ces choses-là. Les choses haram, ils les rendent halal. Hein, des fois. Et les choses halal, ils les rendent haram. Mais des fois, des choses qui ne sont pas haram, ils les rendent halal. Ou bien, des choses permises, ils les rendent wajib, Et des fois, les choses permises, ils les rendent haram. Ça aussi, c'est une forme d'extrémisme. Quelque chose qui n'est pas obligatoire, tu le rends obligatoire. Quelque chose qui n'est pas interdit, tu l'interdis. Ça fait que les gens deviennent extrémistes. Et ça, on a vu des fois des gens comme ça. Comme j'ai dit, dans les nouveaux convertis, il y a des gens qui sont nouveaux à la religion, qui sont ignorants de la religion. Il dit, وَعَلَى هَذَا دَلَّ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Verset 87 dans Surat Al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, n'interdisez pas les bonnes choses que Allah vous a rendues licites. Et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Wa sababu nuzuliha mashhur. Et la cause de la révélation de ce verset, il est célèbre, il est connu. On va lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan, puis on va s'arrêter, inshallah. Cheikh Al-Fawzan, il explique qu'est-ce qu'on a lu maintenant. Il dit, وفيه أيضا تنبيه على التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد آخر. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نغول هذا يعني أن نغل في هذا الدين برفق، حيث قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه لأن أحدا لا يستطيع أن يحيد بالدين كله ولكن يجب أن يأخذ منه المسلم ما يستطيع أخذا باعتدال ورفق لأن هذا أبلغ في مواصلة الصير والديمومة على العمل بخلاف الذي يتشدد ويتنطع فإنه ينقطع ولا يصل مبتغاه. Donc le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il dit que les gens qui se sont rendus la religion difficile pour eux-mêmes, Allah a rendu la religion difficile pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que cette religion-là doit être prise avec douceur, hein, avec douceur, du fait que il a dit cette religion elle est facile, inna hadhihi yusr, elle est facile. Et personne ne va rendre la religion difficile, excepté que cette religion va l'écraser, elle va avoir le dessus sur lui. D'accord, ça c'est rapporté par Al-Bukhari, selon Abi Huraira. La religion, on n'a pas besoin de la rendre facile, elle est déjà facile. C'est pas comme ceux qui disent, on va faciliter la religion. La religion est déjà facile dans ses règles, sa législation, elle est révélée facile, elle est facile déjà à pratiquer. On n'a pas à changer, à rendre halal ce qui est haram, pour la rendre facile, ou à rendre haram ce qui est halal, non. Elle est déjà facile. Si tu veux rendre la religion difficile, elle va t'écraser, cette religion. Et c'est pour ça qu'il dit que personne n'est capable de pratiquer tout de cette religion-là d'un seul coup en même temps. Mais le musulman, il doit en prendre de ce qu'il peut avec modération et douceur. Il dit parce que ça, s'il agit comme ça, il fait avec douceur, modération, c'est clair qu'il va arriver à son objectif et il va être permanent. Il va continuer dans sa religion, constant, avec constance. Hein? Il va être constant dans sa religion. Contrairement à la personne qui est trop dure, et elle va cesser par la suite, abandonner la pratique. On a vu des exemples comme ça. Hein? Et donc, il n'arrive pas à son objectif et à son but. Il dit, وَأَمَّا الْمُعْتَدِلْ فَهَذَا الَّذِي يَصِلُ إِلَىٰ الْغَايَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلِهَذَا قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَغْضَوْا وَرُوحُوا وَشَيْئًا مِنَ الدُّلْجَةِ والقصد القصد تبلغ الصلاة يعني تبلغ الصلاة ويواظب على الوضوء ولا يواظب على الوضوء إلا مؤمن. Donc le cheikh dit, c'est pour ça qu'il faut être modéré, et celui qui est modéré dans sa religion, hein, il arrive à son objectif par la permission d'Allah. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Saddidu wa qaribu. Saddidu, ça veut dire soyez droite wa qaribu, hein, et essayez de vous rapprocher le plus possible de ce qui est, de ce que vous devez faire. C'est-à-dire que si tu dois essayer d'être droite puis de faire qu'est-ce que tu dois faire. Mais si tu n'y arrives pas, reste le plus proche possible. Hein? Mais écartez, mais faites pas soyez pas extrémiste, soyez pas, exagérez pas dans la religion. Saddid wa qarib. Et il dit Wardu wa ruhu wa shay'un min ad-dulja. Donc il dit partez soit yani le matin ou bien yani c'est quoi l'explication, je me rappelle plus. En tout cas, wa shay'un min ad-dulja. En voulant dire soyez modéré, soyez juste. Soyez pas dans les extrêmes et yani nul ne garde son wudu excepté le croyant. Pour l'explication du hadith en détail, inchallah, on va donner d'autres explications plus clarifiées et détaillées de ce hadith-là, parce que les termes sont résumés, mais la signification elle est grande. Et Ibn Rajab al-Hanbali a écrit un livre sur ce hadith-là. Il l'a expliqué vraiment bien. Donc on rajoutera la prochaine fois des explications plus détaillées là-dessus. Il dit « وَالتَّشَدُّدْ يُفْضِي إِلَى الْعَنَتْ حَيْثُ أَنَّ التَّشَدُّدْ أو أن الله يشدد على من شدد على نفسه إما شرعا وإما قدرا ومثل التشديد في الشرع ما تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لما اجتمع الناس لصلاة التراويح في مسجده صلى الله عليه وسلم حيث إنه أمر بقيام رمضان وحث عليه فصار الناس يصلون فرادى وجماعات ثم إنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوهم يصلي فلما رأى إقبالهم على ذلك تركهم يصلون معه في الليلة الأولى ثم صلوا خلفه في الليلة الثانية وكثروا ثم في الليلة الثالثة حتى امتلأ المسجد فتأخر صلى الله عليه وسلم ولما أصبح صلى بهم الفجر قال فإنه لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فهو خشي أن يشدد عليهم شرعا وأن تجعل التراويح فريضة فيعجزوا عنها فهو سنة لهم جماعة سنها لهم جماعة ثم تأخر خشية أن تفرض عليهم. Donc le cheikh il dit de même que l'exagération dans la religion, ça amène à la difficulté. À la difficulté. Il dit que c'est l'exemple de la personne qui rend la religion trop dure pour elle-même, eh bien, parce qu'il l'a rendue trop difficile pour lui, soit parce qu'il a, il a voulu rendre obligatoire qu'est-ce qui n'est pas obligatoire, ou interdire ce qui était permis, ou bien qadaran, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la chose en question ça devient difficile pour lui. Et bien il donne l'exemple de la première, du premier cas de la législation, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur pour les musulmans du fait qu'il a prié avec les gens le tarawih dans sa mosquée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec les musulmans le tarawih dans le ramadan. Les gens priaient en groupe ou bien individuellement dans la mosquée. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a prié, les gens se sont tous mis derrière lui. Et la deuxième nuit, il l'a fait et il y avait encore plus de monde. Et l'autre nuit après, il y avait encore plus de monde, la mosquée était pleine. Alors, la nuit suivante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti, n'est pas venu dans la mosquée. Et quand c'était la prière de Fajr, il est sorti pour la prière de Fajr. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je sais que vous étiez là, que vous m'attendiez pour que je sorte prier avec vous. Mais j'ai eu peur que ça devienne obligatoire pour vous, puis que vous ne soyez pas capable de le faire. Alors par crainte de rendre la religion difficile pour eux et que la législation soit révélée à ce sujet-là, hein, et que le tarawih devienne une obligation, eh bien il a préféré ne pas sortir. Comme ça maintenant, le tarawih c'est une sunna. Et c'est sunna de la faire en groupe. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc si quelqu'un ne va pas le faire, il ne va pas être puni. Hein? Mais il n'est pas sorti justement pour que ça ne devienne pas obligatoire. Il dit « Fakanat sunnatun nabi sallallahu alayhi wa sallam hiya li'atidal bayna tarki at-tarawih nihaiyan fayakunu hadha tarkan lis-sunna wa bayna an tufrad wa takunu shaqqatan 'ala an-nas. » Donc on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a adopté une attitude modérée. Il n'a pas délaissé complètement le tarawih, hein, parce que c'est une sunna. Donc il n'a pas abandonné la sunna. Mais en même temps, il n'a pas continué de la faire pour que ça ne devienne pas trop dur pour les gens. Il dit, وَأَمَّا قَدَرًا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ يُعَقِبُ الْمُتَشَدِّدِينَ عَلَى تَشَدُّدِهِمْ كَمَا فَعَلَ بِالْيَهُودِ حَيْثُ أَمَرَهُمْ بِذَبْحِ بَقَرَةٍ فَجَعَلُوا يَتَسَأَلُونَ مَا هِيَ مَا لَوْنُهَا إِنَّ الْبَقَرَةَ شَبَهَ عَلَيْنَا وَلَوْ أَنَّهُمْ بَادَرُوا وَذَبَحُوا أي بقرة لكفاهم ذلك فلما تساءلوا وأكثروا السؤال شدد الله عليهم وقالت سبحانه فذبحوها وما كادوا يفعلون حتى قيل إنهم لم يجدوا البقرة التي ينطبق عليها الوصف إلا بملء جلدها ذهبا جراء ما شددوا على أنفسهم. Le cheikh, il dit, en ce qui concerne la prédestination, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il peut punir les gens qui sont trop durs dans la religion. Comme c'est arrivé à cause de l'exagération des juifs, quand Allah leur a ordonné de dégorger une vache. Eh bien, ils ont commencé à poser plein de questions. C'est quoi là? Quelle vache? Quelle couleur? Et ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, hein, il les a ordonné de dégorger une des vaches, c'était très difficile pour eux. Alors qu'à la base, ils n'avaient qu'à égorger n'importe quelle, sans description. Mais parce qu'ils ont posé trop de questions, et ils ont exagéré, bien Allah l'a rendu l'affaire très difficile. Ils l'ont fait, et ils ont presque manqué de ne pas le faire. Dans le verset 71, dans Surat al-Baqarah. Même que certains ont dit qu'ils n'ont pas trouvé même cette vache qu'eux, ils avaient décrit, qu'ils recherchaient, sauf en la remplissant d'or, hein, à cause de l'extrémisme yani qu'ils avaient mis sur leur propre personne. Le Cheikh il dit, فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى شَدَّدَ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ فَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ أَشْيَاءَ كَانَتْ حَلًّا لَهُمْ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أي بسبب تجرؤهم وعنادهم وتشديدهم على أنفسهم في الأمور فشدد الله عليهم فحرم عليهم أشياء كانت حلا لهم وأوجب عليهم أشياء عقوبة لهم ما كانت واجبة عليهم في الأصل فلو آمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لوضع الله عنهم الآثار والأغلال التي كانت عليهم لأن نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ودينه دين الوسطية والاعتدال قال الله عز وجل ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والإصر هو الواجب الثقيل والغل هو التحريم فالله أوجب عليهم أشياء لم تكن واجبة عليهم وحرم عليهم أشياء كانت حلالا لهم عقوبة لهم فلو أنهم آمنوا بهذا الرسول لوضع عنهم الأسار والأغلال فلما لم يؤمنوا به بقيت عليهم الأسار والأغلال. Donc le cheikh il donne un exemple ici, c'est très très très bénéfique. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu la religion des juifs et des chrétiens très difficile pour eux, hein? Parce que ils se sont interdits des choses qui étaient à la base permises, hein? Et il mentionne à ce sujet là le verset 146 dans Sourate Al-An'am. Il dit: et pour les juifs, aux juifs, nous avons interdit toute bête à ongle unique, hein? Toute bête à ongle unique, et des bovins et des ovins, nous leur avons interdit les graisses, sauf ce que porte leur dos, leurs entrailles ou ce qui est mêlé à l'os. Ainsi les avons-nous punis pour leur rébellion, et nous sommes bien véridiques. Donc le cheikh explique que c'est parce qu'ils avaient été transgresseurs et ils ont été trop durs avec eux-mêmes dans les questions de religion. Et pour les punir, Allah leur a rendu obligatoire des choses qui n'étaient pas obligatoires à la base comme punition pour eux. Mais s'ils avaient cru en notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc Allah leur a rendu des choses haram qui étaient halal pour eux, et leur a rendu obligatoire des choses qui n'étaient pas obligatoires à la base. S'ils avaient cru en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces choses-là auraient été enlevées. Ils n'auraient pas eu ces interdictions lourdes et ces obligations lourdes contre eux, hein? Ces fardeaux et ces carcans et ces difficultés dans la religion, ça serait enlevé parce que ils auraient juste à suivre la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ont refusé de croire en Isa alayhi salam, et ils ont refusé de croire en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la miséricorde, la religion de modération et de l'équilibre, et à cause de ça, le résultat, c'est ce que vous voyez maintenant. Parce que est-ce que ces gens-là à qui Allah subhanahu wa ta'ala a mis cette punition là, il y avait des gens qui étaient capables de détailler ce qui Allah subhanahu wa ta'ala expliquait, comme la graisse, concernant la graisse, concernant les ovins et tout ça? Je sais pas. Non, mais ça, c'est ça dans le verset, qu'est-ce qui est mentionné, c'est juste un résumé, un exemple. Mais la réalité, c'est sûr que Allah subhanahu wa ta'ala, il explique qu'à la base, toutes les bonnes choses étaient licites pour Bani Israël, hein? Mais quand ils ont voulu être trop difficiles dans la religion, eh bien, ils ont voulu s'interdire des choses qui étaient permises à la base. Et même Allah leur a interdit des choses aussi pour les punir par la suite. Il y en a qui se sont interdit des choses au début, puis pour les punir, Allah leur a interdit. Hein, il a légiféré ça. Et donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour les libérer de ces fardeaux-là, de ces difficultés-là. Et malheureusement, ils n'ont pas voulu croire en lui. Allah musta'an. Il dit, donc c'est ça, il dit, s'ils auraient cru ces choses-là, ils les auraient enlevées de leur dos. Mais ils n'ont pas voulu croire. قال سبحانه ربنا لا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا وهذا دعاء علمه الله المؤمنين بأن لا يحملهم الأسار التي وهي الواجبات التي يعجزون عنها كما حملها على بني إسرائيل. فهذا الدين ولله الحمد دين الوسطية والاعتدال والتشدد والتساهل من صفات اليهود والنصارى، ونحن منهيون عن التشبه بهم في هذه الأمور وغيرها. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a enseigné dans le Coran le dua de dire ô notre Seigneur, ne nous fais pas porter des choses, yani des fardeaux, comme tu les as fait porter à ceux qui étaient avant nous. Et ça, c'est une invocation que Allah nous a enseignée pour pas que on ait à avoir des obligations trop lourdes dans la religion qu'on n'est pas capable de porter, comme c'était le cas de Bani Israël. Et donc, l'islam, la religion de l'islam, c'est la religion du juste milieu. Et ça, c'est par la grâce d'Allah. C'est la religion de la modération et du juste milieu. Et il dit, donc, l'extrémisme et la dureté et le laxisme et le fait de laisser aller toutes les choses, ça c'est les caractéristiques des juifs et des chrétiens. Les juifs, tu les vois dans l'extrémisme, et les chrétiens, tu les vois dans le laxisme. Et des fois, tu vois des manifestations d'extrémisme dans l'adoration chez les chrétiens, et des exemples de laxisme aussi dans certaines choses chez les juifs. Donc tu as les deux extrêmes. Et nous, on est interdit dans l'islam d'imiter et de leur ressembler dans ces choses-là. Soit dans l'extrémisme, soit dans le laxisme. Et le cheikh il dit ensuite, وَقَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا دَلَّ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَقَوْلُهُ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ أي بالتشديد وَقَوْلُهُ وَلَا تَعْتَدُوا أي بالتساهل فالله نهانا عن التشدد وعن التساهل وأمرنا بالاعتدال وسبب نزول الآية هو حديث النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى البيوت إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به فلما أخبروا عنها كأنهم تقلوها ثم إنهم التمسوا العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأنه ليس بحاجة بزعمهم إلى العمل وأما هم فأهل ذنوب وسيئات فهم بحاجة إلى العمل قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وقد ذكره الشيخ فيما يلي. Donc on va terminer avec ça. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit: oh vous qui avez cru, n'interdisez pas des bonnes choses que Allah vous a rendues licites. Ça c'est dans le sens de l'extrémisme et de l'exagération. Vous rendez pas des choses haram que Allah vous a rendues halal. Et ne transgressez pas, c'est-à-dire avec le fait d'être trop laxiste et de permettre des choses haram. Allah nous a interdit les deux. Il nous a interdit d'être extrémiste, il nous a interdit d'être laxiste. Et il nous a ordonné d'être dans le juste milieu. Et la cause de la révélation de ce verset, c'est à cause de trois personnes qui sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il n'était pas là. Alors ils ont posé des questions à propos de l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont demandé à propos de son adoration. Quand ils ont entendu l'explication de l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont trouvé que c'était pas beaucoup. Ils ont dit, ah, il fait juste ça comme adoration, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait pas plus que ça, comme si c'est pas beaucoup. Et ils ont essayé de trouver une excuse pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, ah mais lui c'est pas pareil comme nous. Lui il a été pardonné ses péchés passés et à venir, tandis que nous on est plein de péchés, donc il faut faire plus. Tu vois comment l'extrémisme arrive. Tu vois comment l'exagération rentre. Alors, il y en a, le cheikh, il dit, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y en a un qui a dit, moi je ne vais jamais dormir la nuit, je vais prier toutes les nuits. L'autre, il a dit, moi je vais jeûner tous les jours, je ne vais jamais cesser de jeûner. Et l'autre, il a dit, moi je vais laisser les femmes, je ne vais jamais me marier, je ne vais pas prendre de femme du tout. Hein? Alors le messager d'Allah a entendu, c'est vous qui avez dit des choses pareilles. Il dit, par Allah, je suis celui qui craint le plus Allah. Je suis celui d'entre vous qui a le plus de piété envers Allah. Et par contre, parfois je jeûne et je brise le jeûne. Des fois je dors, des fois je prie. Et j'épouse des femmes. Quiconque délaisse ma sunnah, il n'est pas de moi. Quiconque délaisse ma sunnah, il n'est pas de moi. Dans une autre narration, même il a dit, et un qui a dit, je ne mange pas de viande. Et l'autre, le professeur se dit, et je mange de la viande. Hein? Il y en a aujourd'hui comme ça, des musulmans, ils veulent être végétariens. Et moi, je ne mange pas de viande. Non, tu dois manger de la viande. C'est halal. Tu ne vas pas t'interdire quelque chose qui est halal. Hein? Tu veux rendre ça... Même s'ils ne vont pas dire que c'est parce que c'est religieux, ils ne vont pas dire, Allah, il a interdit la viande. Parce que ça, c'est kouf. Si tu rends haram ce qui est halal, c'est kouf. Mais ils vont dire d'autres choses, pour d'autres raisons. Des raisons de santé, des raisons de choses... Si c'est des raisons de santé qui sont justifiées, ça c'est quelque chose, ça peut être valable. Mais si c'est juste des suppositions, des idées que les gens se sont fait et que c'est pas supporté par des preuves, dans ce cas-là, c'est pas correct de s'abstenir de manger de la viande, alors que c'est halal. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.